إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار عباد الله ذكر الله حياة للقلب يحيا به القلب حياة حقيقية حياة مطمئنة حياة ساكنة حياة عامرة بالأنس والراحة والطمأنينة وبدون ذكر الله تبارك وتعالى يموت القلب ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت فشبه صلوات الله وسلامه عليه الذاكر لله بالحي وشبه الغافل عن ذكر الله بالميت وفي لفظ آخر للحديث في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت فشبه صلوات الله وسلامه عليه بيوت الذاكرين لله ببيوت الأحياء وبيوت الغافلين عن ذكر الله تبارك وتعالى ببيوت الأموات التي هي القبور وإذا جمعنا بين لفظي الحديث نجد أن في ذلك تشبيها لذاكرين لله تبارك وتعالى الذين يعمرون بيوتهم بذكر الله بالحي تشبيها بالحي الذي يسكن في بيوت الأحياء والقسم الآخر الذي لا يذكر الله الغافل عن ذكر الله الذي لا يذكر الله في بيته فمثل من كان هذا شأنه كالميت في بيوت الأموات وكأن صدره أصبح مقبرة لقلبه دفن قلبه في صدره لا حياة فيه لا حياة فيه الحياة الحقيقية وإن كان يحيا حياة بهيمية وإن كان يحيا حياة بهيمية أما الحياة الحقيقية قد ذهبت عنه وأصبح قلبه مدفونا مدفونا في صدره فهم أموات وأجسادهم أصبحت بمثابة المقابر لقلوبهم لأنهم لا يذكرون الله لأنهم لا يذكرون الله وهذا كله مستفد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله مستفد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت وفي الرواية الأخرى للحديث قال صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت إذن عباد الله كما قلنا آنفا ذكر الله حياة للقلب يحيا به القلب حياة حقيقية حياة مطمئنة حياة ساكنة حياة عامرة بالأنس والراحة والطمانين والطمانينة وبدون ذكر الله تبارك وتعالى يموت القلب بدون ذكر الله يموت القلب إذن عباد الله أيها الإخوة عليكم بذكر الله عليكم بذكر الله أكثروا ذكر الله أكثروا ذكر الله تنال الحياة الحقيقية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد serviteur d'Allah dans le rappel d'Allah se trouve la vie des cœurs dans le rappel d'Allah se trouve la vie des cœurs les cœurs vivent par le rappel d'Allah. La vraie vie se trouve dans l'évocation d'Allah, dans le rappel d'Allah. Le rappel d'Allah te permettra de vivre une vie calme, une vie paisible, une vie apaisée, une vie dans le repos, dans la quiétude. Tels sont les fruits du rappel d'Allah. Et celui qui se détourne du rappel d'Allah, celui qui n'évoque pas Allah, celui qui ne se rappelle pas Allah, eh bien, il vivra une vie stressée, une vie tendue, il sera perturbé sur les nerfs, quand bien même une telle personne possédait toutes les richesses de la terre, quand bien même une telle personne possédait toutes les richesses de la terre. Et il nous est parvenu dans les recueils de hadith authentiques, dans les recueils des récits prophétiques authentiques, une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il a dit « مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ » Il a dit « L'exemple de celui qui se rappelle Allah et celui qui ne se rappelle pas, celui qui ne se rappelle pas Allah, eh bien, leur exemple, c'est la même chose qu'entre le vivant et le mort. » C'est la même chose qu'entre le vivant et le mort. Celui qui se rappelle Allah, c'est lui le vivant. Et celui qui a oublié Allah, eh bien, il est semblable à un mort en vérité. Il est semblable à un mort en vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a délivré cette parole et cette parabole. Et c'est une parabole puissante pour nous montrer l'importance du rappel d'Allah. Celui qui se rappelle d'Allah, il est vivant. Et celui qui a oublié Allah, celui qui a tourné le dos à Allah, en vérité, il est mort. Même si tu le vois debout devant toi, en vérité, il est mort. Et dans une autre version de ce noble hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. Il a dit: la maison, la demeure, l'appartement dans lequel on se rappelle Allah, dans lequel Allah est évoqué, comparé à la maison ou à la demeure ou l'appartement dans lequel Allah n'est pas évoqué, dans lequel on ne se fait pas le rappel d'Allah, leur exemple, c'est comme le vivant et le mort. C'est comme le vivant et le mort. On a en face de nous une maison vivante et une maison morte. Et qu'est-ce que c'est qu'une maison morte? Une maison morte, c'est une tombe. Une maison morte, c'est une tombe. Les cimetières sont un ensemble de maisons mortes. Une maison morte, c'est une tombe. Et lorsqu'on regroupe ces deux hadiths, pour tirer un enseignement encore plus vaste, pour tirer un enseignement encore plus poignant, eh bien, on se rend compte que celui qui évoque Allah, et qui évoque Allah en plus chez lui, celui qui se rappelle Allah, celui qui évoque Allah, et en plus qu'il le fait constamment et chez lui en plus, eh bien, il est semblable à un vivant qui vit dans une maison vivante. Il est semblable à un vivant qui vit dans une maison vivante. Et celui qui a oublié Allah, celui qui a tourné le dos à Allah, par conséquent, il ne va pas faire le rappel d'Allah chez lui. Par conséquent, il ne va pas évoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, chez lui. Eh bien, il est semblable à un mort qui vit dans une maison morte. Un mort qui vit dans une maison morte. Et c'est comme si, en vérité, sa poitrine était devenue une tombe pour son cœur. C'est comme si sa poitrine était devenue une tombe pour son cœur. Celui qui ne se fait pas le rappel d'Allah et qui par conséquent ne fait pas le rappel d'Allah chez lui. Celui qui a tourné le dos à Allah et qui par conséquent chez lui les gens ont tourné le dos à Allah également. Il n'y a pas chez lui le rappel d'Allah. Il est semblable à une personne morte vivant dans une maison morte. Et une telle personne, eh bien, sa poitrine, son corps est devenu une tombe. Son cœur. Son corps, sa poitrine est devenue une tombe pour son cœur. Et même si tu vois une telle personne, tu la vois, elle est debout devant toi, elle est vivante, elle fait ses courses, elle mange, elle boit, elle dort, elle se réveille. Mais ce n'est pas ça la vraie vie. Ça, c'est une vie, mais les animaux ont la même vie. Les animaux, ils chassent, ils mangent, ils dorment, ils boivent. Une personne qui a oublié Allah, sa vie, eh bien, ce n'est pas une vraie vie. La vie qu'elle vit, c'est une vie physique seulement. Une vie physique, juste elle nourrit son corps, elle habille son corps, etc. Mais en vérité, une telle personne, son cœur, il est emprisonné dans un corps mort. Son cœur est emprisonné dans un corps mort. Ainsi, on voit que la vie qui élève la personne, qui le rapproche de son Seigneur, la vie qui prend tout son sens, eh bien, c'est celle qu'on obtient par le rappel d'Allah. C'est celle qu'on obtient par le rappel d'Allah. Et c'est pour cela que le messager d'Allah a dit: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. L'exemple de celui qui évoque Allah, l'exemple de celui qui se rappelle Allah par rapport à celui qui ne le fait pas, c'est le même exemple, c'est la même différence entre le vivant et le mort. Et il a dit également: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. L'exemple d'une maison dans laquelle Allah est évoqué, dans laquelle on fait le rappel d'Allah par rapport à une maison où il n'y a pas le rappel d'Allah, dans laquelle Allah n'est pas évoqué, c'est la même différence entre le vivant et le mort. Une maison vivante, une maison remplie de vie, et une maison morte. Une maison, il n'y a rien dedans. Ainsi, serviteur d'Allah, comme nous l'avons dit au début de cette parole, le rappel d'Allah, c'est la vraie vie. La vraie vie se trouve dans le fait de se rappeler Allah, dans le fait d'évoquer Allah. Et les cœurs vivent par le rappel d'Allah. Les cœurs vivent par le rappel d'Allah. Ils vivent une vraie vie, une vie paisible, épanouie, une vie de repos, une vie de quiétude. Et ceux qui n'ont pas le rappel d'Allah dans leur cœur, ceux qui ne font pas le rappel d'Allah, leur vie c'est tout le contraire. C'est une vie de stress. Une vie tendue, une vie dans laquelle ils sont sur les nerfs, une vie dans laquelle ils sont perturbés, même si tu les vois avec des richesses, avec des belles voitures, avec des beaux vêtements, etc., etc. Ils ne vivent qu'une vie physique comme le font les animaux. Wal'iyadu billah, et qu'Allah nous en préserve. Ainsi, mes frères, je m'invite moi-même, ainsi que vous tous, à multiplier le rappel d'Allah. Multiplions l'évocation d'Allah. Multiplions le rappel d'Allah. Et c'est comme cela que nous vivrons une vraie vie. C'est comme cela que nous vivrons une vraie vie, Inch'Allah ta'ala. وصلوا وسلموا رعاكم الله على نبيكم كما أمركم الله ذلك في القرآن العظيم عندما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا لصلاتكم